بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل دراستنا في قصص من القرآن، سائلين الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on va continuer inshallah sur l'étude d'histoire tirée du livre d'Allah, tirée du Coran, qui nous sont relatées dans le noble livre dans le Coran. Et donc dans la dernière assise, on avait évoqué cette histoire qui nous est mentionnée dans la sourate Al-Kahf, la sourate la caverne, l'histoire justement qui porte ce nom des jeunes de la caverne. Et donc on avait dit à travers cette histoire et à travers la méditation des versets qui nous relatent cette histoire, il y a de nombreux enseignements et leçons à tirer pour tout croyant. Et si on observe cette sourate, la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne, on observe qu'elle comprend quatre histoires, quatre célèbres histoires. La première histoire, c'est l'histoire des gens de la caverne, comme on l'a relaté dans les assises précédentes. La deuxième histoire, on voit qu'ensuite, elle est suivie d'une histoire qui est nommée l'histoire du propriétaire des deux jardins. La troisième histoire, ensuite, on peut voir qu'il y a l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, avec Al-Khadr, qui est relaté. Et ensuite, on a la quatrième histoire, c'est l'histoire de Dhul-Qarnayn, comme elle est relatée ensuite, après l'histoire de Moussa et de Al-Khadr. Et donc, on voit que, après l'histoire des gens de la caverne, donc de ces jeunes qui se sont réfugiés dans la caverne en fuyant les persécutions de leur peuple, qui leur demandait, qui leur imposait de renier leur foi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner en exemple une histoire, une autre histoire qu'on va essayer de comprendre ici, aujourd'hui, une histoire magnifique où Allah jalla wa ala nous donne en exemple deux hommes. وَضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Donc l'histoire débute comme cela, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit, donne-leur l'exemple de ces deux hommes. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Et l'un d'entre eux était propriétaire de deux jardins, comprenant des vignes. Allah nous dit, comme on va essayer de comprendre ces versets dans ce qui va suivre. Donc cette deuxième histoire qui est mentionnée dans la sourate, la caverne, Al-Kahf, c'est l'histoire donc d'un homme qu'on appelle Sahib al-Jannatayn, le propriétaire de deux jardins. Donc l'un était riche, très riche, donc c'est le propriétaire des deux jardins, et l'autre était pauvre. Donc c'est l'histoire de deux hommes. Donc Allah Jalla wa Ala, à travers ces versets, va nous donner en exemple l'histoire de deux hommes. Donc le pauvre possède une vieille maison, comme il est dit, mais était très croyant lui. Tandis que le riche, lui, possédait une belle maison et deux splendides jardins avec des vignes, des palmiers et beaucoup d'autres arbres et plantes. Et un jour, il y eut une discussion entre le pauvre et le riche, et lui, le riche, parlait avec son voisin pauvre en contemplant ses jardins. Alors qu'il parlait et contemplait ses jardins, il était si fier de ses jardins, de ses fruits, de ses rivières qui passent à travers, qu'il a dit à son voisin, il y a des rivières qui passent à travers son jardin, ses jardins, alors il a dit à son voisin, j'ai plus de richesses et de biens que toi, j'ai plus de servants et de fils que toi. Et je pense que tout ce que je possède est éternel, et je ne pense pas qu'il y aura une fin pour cette vie si belle. Et même s'il y en a une, Allah me donnera sûrement bien plus que tout ça, puisqu'il m'en a donné autant maintenant. Mais son voisin, qui était pauvre et qui était véritablement croyant, lui a répondu, stupéfait de son ingratitude et manque de foi, et lui dit: Oui, Allah t'a donné plus de fortune que moi dans cette vie d'ici-bas, mais il me donnera peut-être mieux que toi dans la vie de l'au-delà. Et puis, quand tu regardes tout ce qu'il t'a donné et que tu l'admires, tu devrais dire: Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et le fait de remercier donc Allah au lieu d'être méconnaissant, d'être ingrat. Car Allah qui t'a donné tous ses biens peut très bien tout te prendre si tu ne lui es pas reconnaissant. Si tu ne lui es pas reconnaissant. Et chacun des deux voisins ensuite est rentré chez lui. Un jour, une énorme tempête a envahi les jardins du riche et a arraché tous ses arbres et a tout détruit. Et le matin, il a découvert la catastrophe, que ces jardins ne sont plus que des ruines ravagées par la tempête. Et donc là, il était dans un état désespéré, ni ses fils, ni ses servants ne pouvaient faire quelque chose pour lui. Il a alors commencé, comme certains relatent, à se taper les mains l'une contre l'autre de colère, et il a alors regretté d'avoir été si méchant envers son voisin, si ingrat avec le créateur de tous ses biens. Donc ça, c'est l'histoire que je vous ai relatée. En résumé, maintenant, on va essayer de comprendre cette histoire à travers les versets qui nous seront relatés donc dans la sourate, la caverne, la sourate Al-Kahf, à partir du verset 32. Donc vous avez vu, après l'histoire des jeunes de la caverne qui nous est mentionnée dans la même sourate, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous mentionner cette histoire, cette très belle et magnifique histoire qui comprend et renferme de nombreux enseignements à méditer. Et comme on l'a dit dans les autres assises, toutes ces histoires, elles ne sont pas relatées dans le Coran en vain, mais c'est vraiment pour que le croyant réfléchisse, qu'il y a à travers cela une réflexion, une méditation, et qu'ensuite il met en pratique ce qui lui est enseigné, et qu'il tire donc des leçons de cela, et qu'ensuite cela va lui servir de savoir dans sa vie d'ici-bas. Et ça va apaiser le croyant, et donc il aura un bon exemple à suivre à travers ces leçons qu'il a apprises. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous relate cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands exégètes, les spécialistes disent que cette histoire est une histoire véritable. Même s'il est dit au début, وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, donne-leur en exemple les deux hommes. Donne-leur en exemple les deux hommes. Cet exemple-là est réel. Donc c'est une histoire, comme disent les exégètes, c'est une histoire qui est réelle et véritable, qui s'est réellement produite. ولكنها والله أعلم لقوة دلالتها على ما سيقت من أجله استحقت اسم المثال. Mais du fait, certains commentateurs ont dit, du fait que cette histoire comprend un argument fort et justement, لقوة دلالتها على ما سيقت, du fait qu'elle comprend un argument fort de la manière dont elle a été relatée, alors elle a mérité le nom de donne-leur en exemple deux hommes. Comme dans un autre verset, si vous observez par exemple dans le verset 214 de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache, où Allah Jalla wa'ala nous dit: Am hasibatum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa wa ad-darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ala inna nasrallahi qarib. Et regardez dans ce verset une traduction approchée du sens. Allah dit: Am hasibatum, est-ce que vous pensez que vous rentrerez au paradis, et que vous ne soyez pas touché par ce qui a touché ce qui était avant vous, dans le sens. Et Allah nous dit qu'ils ont été touchés par des difficultés, des calamités, par al-ba'sa, wa zulzilu, wa ad-darra. Et ensuite Allah dit, Wazulzilu, ils ont même été secoués, tellement ils ont été éprouvés, ils ont été touchés par des calamités et des difficultés, des pénibilités. Wazulzilu, ils ont été secoués. Hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'a mata nasrullah, jusqu'à ce que eux et le messager, ou plutôt jusqu'à ce que le messager et ceux qui étaient avec lui ont dit: à quand est-ce que le secours d'Allah? Allah, inna nasrallahi qarib. Et Allah dit: certes, le secours d'Allah et proche. Donc là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette histoire de ceux avant qui ont été éprouvés, qui ont été touchés par des calamités, dont des calamités les a atteints, et des difficultés, des pénibilités, jusqu'à ce qu'ils ont été secoués. Et le messager et ceux qui étaient avec lui ont dit à quand est-ce que le secours d'Allah, et Allah dit, le secours d'Allah est proche. On voit qu'il y a écrit. Enfin, il est dit dans le verset, walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Cela a été nommé mathal. Mathal. Allah dit, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous pensez que vous rentrerez au paradis sans que walamma ya'tikum mathalul ladina, sans que l'exemple de ceux qui ont été touchés avant vous vous parvienne. Et donc on voit que le terme qui est mentionné c'est mathalu, mathalu, donc l'exemple. L'exemple. Et cette histoire qui est relatée par exemple dans le verset 214 à Sourate Al-Baqarah, cette histoire est réelle. Tellement les croyants avaient été secoués, avaient été éprouvés, alors, Fazul Zilou, jusqu'à ce que le messager qui était avec eux et ceux aussi qui étaient avec eux disaient quand est-ce que le secours d'Allah, certes le secours d'Allah est proche. Cela est appelé Mathal. Mathal. L'exemple 2. Mais l'exemple est réel. C'est un exemple qui est réel. Donc, des savants ont ramené, ont exposé cet exemple-là pour dire que parfois il est mentionné exemple, mais l'histoire est véritable et l'histoire est réelle. Et de ce fait, c'est pour ça que dans ces versets qui nous sont mentionnés dans la sourate de la caverne, lorsqu'Allah dit Wadrib lahum mathala rajulaini et donne-leur en exemple ces deux hommes, cet exemple-là, cette comparaison-là, cette sorte de parabole-là qui va être donnée, cette histoire est véritable et réel. C'est pour cela que ensuite, donc on avait dit que c'était l'histoire du propriétaire aux deux jardins. Donc ce propriétaire aux deux jardins qui était riche a eu une discussion avec un autre qui lui, à l'inverse, était pauvre. Mais ce pauvre-là, lui, avait l'iman. Il avait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il était véritablement croyant. Et de ce fait, les grands exégètes, lorsqu'ils ont commenté ces versets, certains ont dit que c'était donc deux frères. Que c'était deux frères à l'époque de Banu Israël, à l'époque des enfants d'Israël. Et d'autres, par contre, ont dit non, c'était deux frères de la tribu de Makhzoum, c'était des Makhzoumiyan, des gens de Mekka, qui habitaient plutôt parmi les habitants de la Mecque, parmi les habitants de la Mecque. Ahaduhuma mu'min wal akhar kafir. L'un d'eux était croyant et l'autre était non croyant. Wa qila huma mazkuran fi sourate as-Saffat. Et d'autres ont été d'avis, d'autres exégètes ont dit que ce sont les deux qui sont mentionnés dans la sourate Les Rangs, as-Saffat. As-Saffat dans la sourate Les Rangs dans le verset 51 lorsqu'Allah nous dit قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين. Et donc certains savants ont vu que justement ces deux hommes-là, ils sont sous-entendus, il y a une allusion dans le verset 51 de la sourate Saffat concernant ces deux hommes-là. قال قائل. Et l'un d'eux a dit منهم إني كان لي قرين. Et Al-Muhim, donc on voit que les exégètes ont émis différents avis. Donc certains ont vu que cette histoire, donc, c'était l'histoire de deux frères à l'époque des enfants d'Israël. D'autres ont vu, non, c'était l'histoire de deux hommes parmi les habitants de la Mecque. Parmi les habitants de la Mecque, qui étaient Makhzoumiyan. Et l'un d'eux était croyant et l'autre était non-croyant. Al-Muhim, l'important, c'est que des hypothèses ont été émises, ce qui est sûr. Ce qui nous est dit dans le verset, donc c'est l'histoire de deux hommes. L'histoire de deux hommes, l'un était pauvre et l'autre était riche. Et le riche, donc, lui, possédait deux jardins immenses. Et donc, on va parler ensuite de ce jardin avec cette description. Avant cela, si vous regardez par rapport au contexte et au déroulement, lorsqu'on regarde les versets qui ont précédé, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate l'histoire de ces deux hommes, il nous donne l'exemple de ces deux hommes, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné le verset en nous disant وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de mentionner cette histoire, et après qu'il ait mentionné l'histoire des gens de la caverne, Allah jalla wa ala nous enseigne cela en disant « Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum » et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur, le matin et le soir, en ne recherchant que sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et donc on voit qu'Allah jalla wa ala fait ce grand rappel, cette grande exhortation, en disant au prophète Hassan, wasbir, et patiente avec ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. Le matin et le soir. Et donc on voit que là, il y a une allusion à la bonne compagnie et à la bonne fréquentation. À la bonne compagnie, à la bonne fréquentation. Du fait, ici, Allah Jalla wa Ala enjoint de patienter avec ceux qui l'invoquent le matin et le soir en ne recherchant que sa satisfaction, que sa face. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et de ne pas s'écarter de cela. De ne pas s'écarter de cela en recherchant la زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. La beauté de cette vie d'ici-bas. Et donc Allah Jalla wa Ala nous enjoint, nous commande de ne pas obéir à celui dont le cœur a été distrait, celui dont il a distrait le cœur. Un dhikrida, celui dont son cœur est distrait, insouciant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tabarahwa, et qui a suivi ses passions, wa kana amruhu furuta. Donc il y a, dans ce verset, comme on l'a dit précédemment, un ordre à la bonne fréquentation et la bonne compagnie. De patienter et de rester avec ceux qui invoquent Allah le matin et le soir. C'est pour ça que les commentateurs de ce verset ont dit, à travers l'étude de ce verset, même si ces gens sont pauvres, même si les gens sont pauvres, ceux qui invoquent le matin, qui invoquent Allah, Jalla wa Ala, leur Seigneur, le matin, et qui l'invoquent le soir en ne recherchant que l'agrément et la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont pauvres, c'est avec eux qu'il faut rester. Et ensuite, après la mention de ces versets, on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite va nous mentionner. Il va nous parler de la récompense pour les croyants et ensuite on aura la mention et l'évocation de cette histoire concernant ces deux hommes. Entre autres, l'histoire du propriétaire de ces deux jardins. ولذلك, pour cela, قال Ibn Kathir, au début de son commentaire, lorsqu'il va commencer l'étude et le commentaire de cette immense et magnifique histoire, il dit يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وإحسانهم فضرب لهم هذا المثال وجعل الله جل وعلا لأحدهما جنتين يعني بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل Marfoufatan bin Nakhil. Ibn Kathir, regardez, et ça va corroborer, ça va rejoindre ce qu'on a dit précédemment. Ibn Kathir, il nous dit un élément très important. Lorsqu'il commence donc l'étude et le commentaire de ces versets, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, barde dhikrihi, après qu'il nous ait enseigné et mentionné la situation des polythéistes. Donc la situation des polythéistes qu'il décrit ici comme al-mushrikin al-mustakbirin, ces polythéistes qui étaient aussi des hommes orgueilleux, vaniteux, des hommes pleins de vanité et donc d'orgueil, qui étaient infatués de leur personne et qui avaient un amour pour eux-mêmes, un amour propre qui était démesuré. Regardez, Ibn Kathir nous dit, donc après qu'Allah Jalla wa'ala nous ait décrit cette situation des polythéistes vaniteux, plein d'orgueil. عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين. Orgueilleux de quoi il dit? Il va nous dire qu'après qu'Allah Jalla wa Ala nous ait mentionné la situation des polythéistes orgueilleux, du fait de s'asseoir avec les pauvres et les faibles. Les faibles et les pauvres parmi les musulmans. Donc les polythéistes à l'époque du prophète, en sallam, eux ne voulaient pas prendre comme fréquentation et compagnie les pauvres et les faibles. Parmi les musulmans. وَفْتَخَرُوا عَلَيْهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَحْسَانِهِمْ. Et eux, justement, s'enflaient d'orgueil et se vantaient de ce qu'ils possédaient. فَفْتَخَرُوا. Donc, ils se vantaient de cela, de ce qu'ils possédaient comme bien et ce qu'ils avaient comme richesse. Donc, eux se vantaient de tout cela. Et c'est pour cela que Allah, Jalla wa Ala, enjoint au prophète, dans le verset précédemment cité, lorsqu'il dit Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiy yuridu nawajaha. Et donc, on voit qu'Allah enjoint le prophète en lui disant, aie patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, ne recherchant que sa satisfaction. Patiente avec eux, que cela soit accompagné. Et de là, on comprend, comme on l'a dit précédemment, même si c'est des pauvres. Eux, les polythéistes à l'époque, eux, s'enflaient d'orgueil et ne s'asseyaient pas, ne restaient pas avec les plus faibles, avec les plus démunis, avec les pauvres parmi les croyants. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'explique Ibn Kathir, leur donne ici cet exemple de ces deux hommes. Il va leur enseigner cet exemple. Il va leur donner en comparaison l'exemple de deux hommes. Rajulayn. Allah a donné à l'un d'entre eux deux immenses jardins. Jannatayn, comme il est dit. Jannatayn. Yani bimarna, Jannatayn, bimarna, bustanayn. Bustanayn. Et comme on va le voir, donc c'était des boustaines, le jardin, comme ça sera, et ça va être décrit dans les versets qui vont venir, c'est des jardins, comme mentionné dans les versets, de fruits, avec des rivières qui passaient et coulaient à travers. Regardez, dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala, une traduction rapprochée du sens de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Les jardins sont décrits dans le Coran. Allah dit, propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons donné deux jardins, plantés de vignes que nous avons entourés de palmiers. Donc regardez, ces deux jardins étaient plantés de vignes que nous avons entourés de palmiers et séparés par des champs ensemencés. Les deux jardins produisaient de bonnes récoltes sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Donc imaginez-vous ici ces jardins que possédait ce propriétaire. C'était une richesse immense. Et donc Allah nous dit ensuite dans le verset, une traduction relative, Kiltal jannatayni atat ukulaha فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Et regardez ensuite, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, dans ses versets, il nous décrit justement ces jardins, les deux jardins produisaient de bonnes récoltes sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits et dit, au cours d'une conversation avec son compagnon, Anna, et donc le propriétaire de ces deux jardins dit à son compagnon, je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Donc regardez là, comment il était pris de vanité et d'orgueil, comment il était fier de cela. Et donc il se compara donc à ce pauvre en lui disant, moi, je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Et donc, lorsqu'il y a eu cette conversation justement entre les deux. Ensuite, Allah Jalla nous dit, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Et ensuite, il rentra dans son jardin. Allah nous enseigne et nous relate. Il dit que cet homme ensuite rentra dans son jardin et se fit tort à lui-même en disant, il est injuste en lui-même en disant, je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir. C'est-à-dire, il pensait que tout cela était éternel. Il pensait que cela n'allait jamais s'arrêter. Regardez, lorsqu'il s'adresse ce riche à ce pauvre, il lui dit, et je pense pas que mes jardins vont dépérir. Ce que j'ai, ça va dépérir. Yani, il pensait que cela allait durer éternellement. Il dit, cela va continuer, ça s'arrêtera pas. Que cela ne s'arrêtera pas. Et ensuite, Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il dit, et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Regardez le reniement. Regardez ici, la parole de ce riche, qui était ébloui, qui était aveugle face à ce qu'Allah Jalla lui a donné comme richesse, face à ses bienfaits. Et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour, il dit. Et si ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur que cela. Alors son compagnon l'homme croyant et pauvre qui converse avec lui, lui dit, comme c'est relaté dans les versets, dans la traduction du sens, son compagnon qui conversait avec lui répliqua, aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Regardez toujours cette touche de tawhid, d'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez ce pauvre mais croyant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Même dans cette histoire, vous avez vu, entre le pauvre et le riche, le propriétaire de ces deux jardins, et on voit la morale qu'il y a à tirer à travers, et la leçon qu'il y a à tirer à travers l'étude de cette histoire, on voit toujours cet appel au tawhid et à l'unicité d'Allah. Et que ces gens qui étaient croyants, toujours, ils ont cette croyance en l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En affirmant la seigneurie d'Allah et en affirmant le mérite que Allah, Jalla wa'ala, est le plus digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Comme dit ici le pauvre, et donc, pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Ensuite, il est dit dans les versets, traduction du sens, que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? C'est-à-dire que le pauvre, ici, exhorte le riche à dire une parole. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Yarni, dans le sens, si tu aurais dit en entrant dans ton jardin, telle est la volonté d'Allah, et il n'y a de puissance qu'en Allah. Vous avez compris ça? C'est la traduction de. Lorsque le pauvre dit au riche, Walau idhdakhalta jannataka, qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. Donc regardez, le pauvre croyant dit au riche, si seulement tu serais rentré dans ton jardin en disant ma sha Allah, la quwwata illa billah, si seulement tu aurais dit ça. Regardez, le croyant enjoint cet homme à dire, si seulement lorsque tu étais rentré dans ton jardin, tu aurais dit Qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Regardez cette immense exhortation de ce pauvre. Et donc, on voit que le croyant est une meilleure fréquentation, une meilleure compagnie qu'un riche vaniteux, qu'un riche orgueilleux. Et ça, il n'y a point de doute en cela. Et regardez cet homme qui n'avait pas ces jardins-là, qui n'avait pas cette richesse-là, mais qui était croyant. Sa richesse, lui, c'était la croyance. Regardez ce qu'il lui dit. Regardez comment il est de bonne compagnie, de bons conseils. Regardez cette bonne fréquentation qu'il était. Et ça rejoint les versets précédents qu'on a mentionnés précédemment. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qu'il le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. Regardez, avant de lui dire cela, il enjoint d'abord de dire. Il lui dit, si seulement lorsque tu serais rentré dans ton jardin, tu aurais dit, Masha Allah, la quwwata illa billah. Si seulement tu aurais dit, Masha Allah. Et alors, il lui dit, une traduction du sens des versets, et si tu vois que je suis moins pourvu que toi, en biens et en enfants, le pauvre dit au riche, si tu penses que moi, et tu vois que je suis moins pourvu que toi, en biens et en enfants, j'ai moins de biens que toi, je suis moins riche que toi, et j'ai moins d'enfants que toi. Si tu vois cela, alors il lui dit, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qu'il le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. Et ça, c'est les paroles d'un croyant. Parce que le croyant connaît la finalité. À la fin, le croyant, lui, connaît la finalité. Et que là, ce riche, ce propriétaire de ces deux immenses jardins, lui se vante de cela. Mais en réalité, ce sont des richesses d'ici-bas qui sont éphémères. Donc, à travers ces versets que je viens de vous relater, donc là, j'ai lu la traduction des 100, justement, des versets relatés dans la sourate La Caverne. Et donc, qui font allusion à l'histoire de ces deux hommes. Donc, on avait dit qui sont ces deux hommes. On avait relaté différents avis selon les exégètes que vous pouvez retrouver dans les livres, justement, d'exégèse, où il y a l'interprétation de ces versets. Maintenant, pour plus détailler cela, cet homme qui était propriétaire de ces deux jardins, qui avait cette richesse-là, et donc qui était pris d'orgueil, et donc vaniteux de cela, ces jardins nous sont décrits donc dans le Coran. Ces jardins nous sont décrits dans le Coran, cette richesse qu'il avait. Et donc, Allah nous dit, « Ja'alna li ahadihima jannatayn. Lorsqu'Allah nous parle de la conversation de ces deux hommes, alors Allah dit que l'un d'entre eux donc était propriétaire de deux jardins. Allah lui a donné deux immenses jardins. Fa'lam anna Allah ta'ala wasafatil kal janna bi sifat. Et ces deux jardins nous sont décrits dans les versets. Donc, parmi les caractéristiques de ces jardins, sifatul ula kunuhu janna. Ils sont nommés ces jardins Jannah. Jannah. Jannah, ici, c'est dans le sens de bustan. Bustan. C'est pour ça qu'on traduit cela par jardin. Le sens de Jannah, ici, puisque c'est cité dans le verset au duel, al-muthanna, Jannatayn. Donc, c'est le terme à la base Jannah, mais en arabe, lorsqu'on dit Jannatan, c'est-à-dire deux. C'est le duel de Jannah. Et ici, le sens de Jannah, c'est Summiya, Katharik, wa huwa bimarna, al-bustan. Al-bustan. Wa Jannah, en langue arabe, Jannah, c'est dans le sens l'istitar ma yastatir fiha bi dhillil ashjar wa asl al kalima min as-sitr wa at-taghtiya. À la base, le Jannah, le terme, c'est ce qu'il recouvre. C'est ce qui est recouvert par l'ombre des arbres, la base du terme. Donc, c'est ce qu'il recouvre. C'est pour ça que asl al kalima, à l'origine, ce mot vient dans le sens de couvrir. As-sitr wa at-taghtiya. At-taghtiya. Le sens du terme Jannah, à la base, dans la linguistique arabe, à l'origine, ce terme est dans le sens de, prend le sens de, c'est ce qui couvre, recouvre. Du fait qu'un jardin ici est recouvert par l'ombre de ces arbres. Donc la première sifat, comme on l'a dit, ces jardins sont appelés Jannah, dans le sens de Bustan. La deuxième caractéristique de ces jardins, hafafnahuma binakhl. Allah dans le verset nous dit hafafnahuma binakhl. Et donc le sens de hafafnahuma binakhl, c'est-à-dire qu'Allah nous décrit que ces jardins étaient entourés de palmiers. Ces jardins étaient entourés, encerclés de palmiers, d'immenses palmiers. Et donc lorsqu'il est dit dans le verset, le terme en arabe hafafnahuma binakhl, c'est comme dans le verset lorsqu'Allah Jalla nous dit dans la sourate Zumar concernant les malaïkas, watara al-malaïkata hafina min hawli l'arsh. Et tu vois, justement, Allah Jalla nous décrit que les anges sont hafin min hawli l'arsh. Ils sont autour du trône. Ils sont autour du trône. Et donc là, regardez le terme cité ici, وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Le sens, c'est que ces jardins-là étaient entourés donc de palmiers. وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ. La troisième caractéristique, description qu'il y a dans le Coran de ces jardins que possédaient ces sept hommes, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. والمقصود منه أمور أحدها أن تكون الأرض جامعة للأقوات والفواكه. Et donc, cette terre-là, ces jardins-là, sont décrits comme étant qui possède, c'est une terre qui possédait des fruits, qui possédait l'aquat ou l'fawakeh, donc toutes sortes de fruits. وثانيها أن تكون تلك الأرض متسعة الأطراف متباعدة الأكناف. Et aussi, cette terre nous est décrite comme étant, ces jardins-là, comme étant larges. Comme étant large, vaste. وثالثها أن مثل هذه الأرض تأتي في كل وقت بمنفعة أخرى وهي ثمرة أخرى فكانت منفعتها دارة متواصلة. Et donc aussi parmi les sens, lorsqu'il est dit dans le verset وجعلنا بينهما زرعا, وجعلنا بينهما زرعا, dans le sens aussi que à chaque fois, à chaque moment, et ben lorsqu'elle produisait des fruits, alors ensuite il y avait pour chaque temps une utilité. Une utilité. C'est-à-dire, fikuliwort, en tout temps, cette terre-là était profitable pour justement le propriétaire de cette terre. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, donc, elle produit certaines fawake, certains fruits. Et donc ensuite, il y a la production d'autres fruits, c'est-à-dire d'autres fruits ensuite vont pousser. Et donc, l'occupant de cette terre va profiter de d'autres fruits. Donc, à tout moment, À tout moment, selon les périodes, il y a ce qu'on appelle al-manfa'a. Il y a le fait que le propriétaire va profiter justement et jouir des bienfaits de cette terre, des bienfaits de cette terre. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette terre comme étant deux jardins plantés de vignes que nous avons entourés de palmiers, comme on l'a dit, entourés de palmiers, et séparés par des champs ensemencés. Et ce qu'on était en train d'expliquer là, c'est l'essence de cela, séparé par des champs ensemencés. Le sens de, on va dire, annabaynahuma zara, séparé par des champs ensemencés, quel est le sens? Ça comprend ces différentes choses qu'on a citées précédemment. C'est-à-dire que cette terre-là, ces jardins-là, donc il y a des fruits qui poussent, différents fruits qui poussent, et aussi cette terre aussi est vaste, et aussi que ces fruits poussent à des périodes. Donc selon les périodes, il y aura un profit très important pour le propriétaire. La sifat al-rabi'a, la quatrième caractéristique. Allah Jalla wa Ala nous dit: Kilta al-jannatayni atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Allah Jalla wa Ala aussi nous dit ensuite: Les deux jardins produisaient de bonnes récoltes sans la moindre défaillance. Donc traduction rapprochée du sens, et là on va mieux l'expliquer. Allah nous décrit ces deux jardins comme étant: Les deux jardins produisaient de bonnes récoltes sans la moindre défaillance. Et donc, ça c'est la quatrième caractéristique qui nous est donnée dans le Coran, c'est-à-dire cette description de ces jardins. Et lorsque dans le verset, vous voyez, il est dit: Kilta al-jannatayni atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Wa lam tadhlim. Le sens de al-dhulm ici, c'est al-nuqsan. C'est la diminution. Le dhulm ici, qui d'une manière littérale, le dhulm, c'est dans le sens de l'injustice. Mais ici, c'est dans le sens de diminution, al-nuqsan. C'est-à-dire que lorsque, c'est pour ça qu'on traduit le verset, on dit que, et donc les deux jardins produisaient de bonnes récoltes sans la moindre défaillance. Pour ça, on traduit sans la moindre. Elles produisaient des récoltes sans qu'il y ait de diminution, de nuqsan. C'est ça le sens de walam tadhlim minhu shay'a. Il n'y a pas eu de diminution, de manquement, de défaillance en cela. C'est pour ça que dans la langue arabe, par exemple, lorsqu'on dit qala yaqul ar-rajul dhalamani haqqi, lorsque quelqu'un dit cette personne-là, il a été injuste envers mon droit. Littéralement, je traduis dhalamani haqqi en arabe. C'est dans le sens ay naqasani. Il est injuste envers mon droit, c'est-à-dire il a diminué mon droit. Il ne m'a pas donné mon droit. C'est-à-dire qu'il y a une diminution, il y a une défaillance. En sifat al-khamisa, la cinquième description qui est donnée dans de ces jardins, plutôt, dans les versets, Allah Jalla wa Ala nous dit: Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ay kana an-nahr yajri fi dakhil tilka al-jannatayn. Yani, qawluhu ta'ala, khilalahuma, ay wasatahuma wa baynahuma. Et donc ensuite, regardez, Allah Jalla wa Ala nous dit que ces jardins, nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Nous avons fait surgir un ruisseau. C'est-à-dire que ce ruisseau passait. Fidakhil tilka al-jannatayn. Il passait. Il passait à travers ces deux jardins. C'est-à-dire au milieu de ces deux jardins. Wasatahuma wa baynahuma. Imaginez-vous un grand ruisseau qui passait au milieu à traverser ces deux jardins. Sifatu Sadisa, la sixième description qu'on a de ces jardins, wa kana lahu thamarun. Et donc ces jardins produisaient des fruits, de nombreux fruits. C'est pour cela que dans le verset, il est dit, traduction du sens, il récolta donc ses fruits, il récolta donc ses fruits. Et donc on voit que ça, c'est la sixième description de ce jardin que produisait des fruits, plein de fruits. Et donc ensuite, c'est là, après qu'on ait la description de ce jardin, qu'Allah Jalla wa Ala nous relate ensuite la conversation. D'abord la parole du propriétaire de ces deux jardins. Il récolta donc ses fruits. Donc après qu'Allah Jalla wa Ala nous dit que donc ces jardins produisaient des fruits. Après qu'il récolta ses fruits, le propriétaire et dit au cours d'une conversation avec son compagnon, je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Et donc là, on voit que c'est très pertinent. Il y a d'abord une description de ses jardins et là on se rend compte de la richesse que la richesse qu'était réellement et véritablement ses jardins. Et ensuite on voit Allah Jalla wa Ala nous enseigne la parole de ce propriétaire, de celui qui détenait ses jardins. Sa parole était de dire, je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. Et c'est ça qui donc il dit à son interlocuteur, à ce pauvre qui était croyant, qui parlait, qui conversait avec lui. Donc on va continuer, inshallah, dans la prochaine assise sur la fin de cette histoire. Wallahu a'lam. Inshallah, wallahu a'lam. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين